Ouais, alors attends. Attends. Attends, bah. Tu m'entends là? Ah. Mais c'est chiant parce que je m'entends, moi. Sorti. Je comprends. Et t'es allé dans. Ouais. Ouais. Non, je m'entends moi par contre. Je m'entends moi. Ah, ah. Ah ouais. Attends. Ça, c'est le bordel avec le différé là. Ouais, donc le master, c'est c'est le volume général en fait, ça. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ça change quelque chose, ça? Merde alors. Puis moi, j'ai le. Là, j'ai le volume à fond, hein, donc normalement, je devrais t'entendre vraiment bien. Hein. Attends. Attends. Je vais couper les enceintes et amplifier les gens. Je sais pas, ça fait des plein de larcènes, même là, j'ai pas les enceintes de brancher, j'ai plein de larcènes. Ouais, bah alors là, ah ouais, bah il y a un delay là. Il y a du delay là, on dirait. Alors, moi, dès que je parle, je m'entends dans le truc. Non, non, je t'entends pas, je t'entends dans le téléphone, moi. Préférence, ça fait rien, non? Attends, dans quoi? Bah toi là, ton son, j'aime t'entendre, mais alors 10 minutes après là sur le logiciel. Mais je t'entends super loin. Ouais, je pense, hein. T'es en train de jouer là? Non? Ah non, c'est des mecs qui sont en train de...